La jonque disparue, une aventure du célèbre détective japonais Ikkō Teruka par José Moselli. Chapitre 1er. Ayant emporté le chèque de 100 000 roupies que lui avait remis le gouverneur de l'île de Ceylan en récompense de sa réussite dans l'affaire des rubis de la statue de Siva, Ikkō Teruka s'était embarqué le lendemain à bord d'un paquebot allant de Colombo au Japon. Le célèbre détective, après les gigantesques efforts qu'il avait dû s'imposer pour venir à bout des bandits de toutes sortes, pourchassés par lui, aspirait au repos. Il lui tardait de se retrouver de nouveau dans sa petite maison de Kanagawa. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Favorisé par le beau temps, le paquebot sur lequel s'était embarqué Ikkō Teruka atteignit Singapour et de là se dirigea vers Saïgon où il arriva 48 heures plus tard. À peine le grand navire eut-il accosté le quai qu'un jeune annamite, revêtu de l'uniforme des postes Cochin chinoises, se précipita à bord. Il apportait une des poches pour Ikkō Teruka. Le grand détective, qui un cigare en bouche se tenait accoudé au bastingage d'où il regardait distraitement le rivage, fut surpris d'une manière assez désagréable en voyant arriver le télégraphiste. Celui-ci, lui ayant remis la dépêche, se retira aussitôt. Le télégramme contenait ces simples mots: prière à M. Teruka de se rendre immédiatement au consulat du Japon à Saïgon, affaire urgente, Toyama, consul. Ikkō Teruka connaissait M. Toyama, le consul du Japon à Saïgon. « Que peut-il bien avoir à me dire ?» se demanda-t-il, intrigué. Il fit une rapide toilette, quitta le paquebot et se jeta dans un pousse-pousse à qui il donna l'adresse du consulat nippon. Quelques minutes plus tard, Ikkō Teruka arrivait à destination et était aussitôt introduit devant le consul. Celui-ci, qui se tenait dans son cabinet particulier, s'avança vivement au-devant du détective. Ikkō Teruka remarqua qu'il était pâle et que ses yeux brillaient, signe d'une grande agitation. « Ah, que je suis heureux de vous voir, Monsieur Teruka !» s'écria M. Toyama. « Il me semblait que le paquebot n'arriverait jamais. »« Que se passe-t-il ? » demanda le célèbre détective. Une affaire excessivement grave, et pour laquelle j'ai besoin de votre concours. C'est le gouvernement impérial qui m'a ordonné de m'adresser à vous, car la police saïgonaise ne comprend rien à toute l'histoire. Écoutez-moi bien. Il y a 6 jours de cela, arrivait au Cap Saint-Jacques, à l'embouchure du Dongnai, qui est le fleuve qui arrose Saïgon, un petit vapeur chinois, le Liyang, qui venait de Nagasaki. Le Liyang avait dans ses cales 60 caisses contenant chacune 2 000 pièces d'argent d'une piastre, soit en tout 120 000 piastres. Plus d'un million de francs au cours du change. Ces 120 000 piastres étaient envoyés par la banque Kitsui Danko de Nagasaki à la banque de Cochinchine. Les caissettes furent transbordées avec toutes les précautions désirables à port d'une jonque qui devait les amener à Saïgon. La cale de la jonque fut fermée et scellée en présence de témoins. La jonque, sur laquelle avait été embarqué un équipage bien armé, parti du Cap Saint-Jacques pour Saïgon, remorqué par une chaloupe à vapeur, le Jialong. Parti le matin du Cap Saint-Jacques, la jonque devait arriver à Saïgon dans l'après-midi. Or, elle n'arriva jamais. Que se passa-t-il? Nous ne le savons. Ni la jonque, ni le Jialong n'ont été revus. L'on a retrouvé, à un coude de la rivière, près d'un banc de sable situé devant le village de Bin, un des marins du remorqueur qui avait le cœur troué d'un coup de poignard, et à moins de 100 mètres de lui, on découvrit également le cadavre d'un vieil annamite. La police fut aussitôt prévenue. Le vieil annamite était un paysan de Bin, nommé Guyenne, un pauvre air qui vivait bien tranquillement avec sa famille du produit de la culture d'une petite rizière, un homme irréprochable, et ce fut tout. C'est en vain que la police explora la région, qu'elle fit des sondages dans le Dongnai, qui d'ailleurs est profond de plus de 20 mètres à cet endroit. Aucune trace de la jonque ni de la chaloupe à vapeur ne fut trouvée. On dirait que les deux bateaux se sont évanouis en fumée. Or, la banque Kitsui Danko, vous devez le savoir, M. Teruka, est dirigée par le baron Jinzo, un des personnages les plus influents du Japon. Le baron Jinzo a déclaré qu'il dépenserait ce qu'il faudrait, même plus que la valeur des piastres disparues, pour connaître les voleurs et les châtier. C'est un homme droit, mais vindicatif. Il s'est donc adressé au ministère de l'Intérieur, qui m'a ordonné de vous charger de l'affaire à votre passage à Saïgon. Vous voilà donc averti. La police saïgonaise vous donnera d'autres détails, mais je doute qu'il vous serve beaucoup. Enfin, voyez, si vous réussissez, le baron Jinzo ne sera pas ingrat. Mais je ne vous ai pas dit le plus grave.